Donc, je suis Marianne Boucheret et je suis enseignante dans le secondaire, donc prof d'histoire-géographie, et j'ai fait un doctorat consacré aux plantations d'EVA en Indochine. Donc, par rapport à la présentation, j'ai l'impression d'être un petit peu marginale, puisque je travaille donc sur la sphère asiatique et non pas africaine. Je travaille plutôt du côté des dominants, des colons, et je travaille donc sur l'agriculture d'exportation et sur des chefs d'entreprise. Et ma réflexion part simplement d'une image qui est celle qui a été popularisée par un film grand public qui s'appelait Indochine, qui est sorti en France en 1992 et qui est un film qui a rencontré beaucoup de succès, des réactions dans le monde un peu étroit des planteurs et des anciens planteurs, mais qui a donné dans la société française une image de la colonisation en Indochine et d'une femme qui donc était à la tête d'une plantation d'EVA. Donc mon interrogation était partie simplement du fait, est-ce que cette image correspondait ou pas du tout à une réalité de la femme chef d'entreprise dans la société indochinoise. Donc j'ai travaillé sur à la fois des données statistiques pour répertorier les femmes présentes dans le monde de l'EVA culture, et puis sur des textes, à la fois des textes écrits par des journalistes, des romanciers, des écrivains de la période coloniale, donc du point de vue français, et aussi sur des textes d'archives, d'administrateurs coloniaux, pour essayer de cerner à la fois le rôle réel des femmes dans les plantations d'EVA en Indochine, culture dominante, et de voir aussi comment était exploitée, instrumentalisée cette place des femmes et ce rôle des femmes dans le discours colonial. Donc pour mieux interroger en fait le fait colonial de manière genrée et non genrée. Voilà donc mon propos. Alors dans un premier temps, je voudrais donc signaler tout simplement que la femme planteur, c'est une figure rare, c'est une figure exceptionnelle, puisque lorsqu'on regarde les débuts de la plantation de caoutchouc en Indochine, qui est amorcée à la fin du 19e siècle, avant 1914, il n'y a quasiment pas de femmes. Et quand on lit les listes de planteurs colons établis, on a en fait une seule occurrence, une seule femme qui apparaît, donc à la veille de 1914. Et cette femme s'appelle Madame de la Souchère. Et cette femme a une plantation dans la province assez proche de Saïgon, mais pas à proximité immédiate, dans la province de Bianoa. Les autres femmes qui existent, qu'elles soient épouses d'administrateurs, épouses de petits colons, souvent fonctionnaires, qui ont quelques arpents pour aller éventuellement pique-niquer le dimanche et faire pousser les EVA, ou les épouses de planteurs professionnels n'apparaissent pas dans nos sources à cette époque-là. Donc on a une seule femme qui apparaît et qui est vraiment un cas particulier, d'autant plus exceptionnel qu'elle apparaît au titre de directrice de sa plantation et qu'elle habite sur celle-ci, donc située à une cinquantaine de kilomètres de Saïgon, ce qui exclut toute possibilité de faire un aller-retour entre son exploitation et la capitale coloniale. Donc on peut se demander qui était cette femme prête à quitter un salon où les journalistes de l'époque disaient que tout le Saïgon de 1908 aimait à se retrouver. Donc qui était cette femme qui était partie pour faire reculer donc la brousse, faire pousser des EVA et à l'époque éventuellement faire la chasse au tigre. Alors cette femme, donc Jeanne de la Souchère, était une jeune Normande d'origine modeste, fille d'un domestique et d'une tisserande, et qui a débarqué à Saïgon en 1904, où elle épousa Charles Rivière de la Souchère, qui était un pilote de la rivière Saïgon, ce qui a un lien avec le monde des plantations, puisque la compagnie pour laquelle il travaillait, donc les messageries fluviales de Cochinchine, était liée à la Banque de l'Indochine, qui assez précocement s'est intéressée au secteur des plantations. Enfin, en 1909, le couple de la Souchère décide d'acheter une concession. Et cette idée, on ne sait pas très bien à qui il faut l'attribuer, puisque selon les sources, soit Charles n'aurait pas voulu contrarier le caprice de son épouse, je cite évidemment le caprice de l'épouse, et à ce moment-là, cela signifierait que c'est Jeanne qui aurait décidé d'aller créer une plantation, soit d'autres sources présentent au contraire Charles comme étant à l'initiative de sa carrière agricole, comme si d'elle-même l'avait pu impulser sa carrière et qu'elle la doive à son mari. En tout cas, son mari décède précocement, il meurt en 1916, mais avant même son décès, elle dirige seule l'exploitation. C'est elle la chef de l'exploitation, la femme d'entreprise, et elle dirige donc un millier de coulisses, un millier de travailleurs agricoles sous ses ordres, dans des conditions assez rudes, puisque la création d'une plantation, c'est évidemment la période de défrichement, de plantation, de travail extrêmement pénible. Et elle dirige son exploitation. Alors, elle est un planteur qu'on peut caractériser comme un vrai planteur professionnel, la différence d'autres planteurs de son époque, dans la mesure où elle habite, elle dirige la plantation, et elle a une plantation qui est une superficie tout à fait considérable, près de 800 hectares. Donc ce n'est pas un petit planteur, c'est pas l'épouse d'un petit planteur, c'est pas un petit planteur, c'est une femme qui est un petit peu entre les deux, entre ce monde des petits planteurs, les pionniers de l'évéaculture, et puis le monde des grandes sociétés qui apparaissent déjà en Indochine à l'époque. Donc elle est un planteur moyen, mais elle est un planteur professionnel. Alors rapidement, entre les deux guerres, elle va être rejointe par quelques autres femmes, si on lit les listes dressées à l'époque des entreprises coloniales. Un nombre réduit de femmes néanmoins dans l'entre-deux-guerres, puisqu'on peut considérer qu'elles sont à peu près une dizaine, pour simplifier, dans les années 20 et les années 30, et que la plupart de ces femmes sont en fait souvent des femmes de planteurs, des veuves de planteurs, voire une fille de planteurs. Et Jeanne de la Souchère fait relativement exception, car son domaine est plus important. Et en 1926, pour ramasser des fonds plus conséquents, elle fonde une société donc, qui porte son nom, la Société des Plantations des Vers de la Souchère, et qui a un capital initial de 13 millions de francs, ce qui la place devant les plus grandes sociétés qui sont créées à l'époque. Donc des capitaux à la mesure un petit peu des ambitions de l'exploitation, et qui témoignent de l'insertion de Jeanne de la Souchère dans cette génération de planteurs qui sont à ses côtés dans l'administration, dans le conseil d'administration de l'exploitation. Et on trouve des liens encore avec la Banque de l'Indochine. Banque de l'Indochine qui, quelque part, reconnaît les potentialités de son entreprise, de son exploitation, puisqu'elle finit par se porter acquéreur de la plantation. Cette plantation l'intéresse et elle réussit à mettre la main dessus lors d'une faillite, de Jeanne de la Souchère en 1933, dans un contexte de dépression, de crise économique important. Jeanne de la Souchère laisse la propriété de sa plantation à la Banque de l'Indochine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au-delà de cette trajectoire économique et professionnelle, ce personnage exceptionnel de Jeanne de la Souchère est resté comme une image marquante de la colonisation et notamment de la colonisation dans le domaine évéicole, secteur dominant aux mains des colons en Indochine. Alors, je voudrais maintenant davantage m'arrêter sur son action et la façon dont elle a été perçue. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que la documentation disponible, avec ses limites, puisqu'elle est assez maigre, qu'elle est d'origine à la fois coloniale et masculine, donc ce qui est un double biais pour l'apercevoir, c'est que cette femme s'est mise, j'allais dire, dans les habits d'un homme. Elle a mené une carrière d'homme, et d'ailleurs, y compris sur le plan très concret vestimentaire, elle s'habille en homme avec pantalon de cavalière, haute botte, redingote, chapeau. Et à la différence d'ailleurs des autres planteurs hommes, lorsqu'il y a des rencontres, des cérémonies, notamment avec les gouverneurs de Cochinchine ou d'Indochine, elle se présente vraiment en habit professionnel, comme si elle avait besoin de s'affirmer en tant que planteur, plus évidemment que les hommes planteurs pour lesquels cela paraît plus évident qu'ils soient des planteurs. Elle a besoin de s'affirmer en tant que telle. Et elle joue un rôle extrêmement actif, et là aussi on pourrait dire elle fait une carrière d'homme, un rôle non seulement donc en tant que chef d'exploitation, mais aussi dans l'association qui réunit les planteurs d'EVA de l'époque, et dans un contexte assez tendu, même si les sources coloniales sont assez allusives de ce point de vue, un contexte tendu puisque le monde des planteurs est assez divers entre les petits planteurs et les grandes sociétés capitalistes qui ont mis le pied en Indochine. Et elle joue un rôle d'intermédiaire. J'ai dit déjà tout à l'heure qu'elle est à la tête d'une exploitation moyenne et elle va défendre les préoccupations d'un planteur moyen. Elle-même se qualifie ainsi en défendant notamment des points de vue favorable à certaines restrictions du point de vue de la concession, de la cession de terre par le gouvernement général à ceux qui font la demande de terres à caoutchouc dans un contexte de boom du caoutchouc, de très forte spéculation. Donc elle a un point de vue assez original et un point de vue qui a un impact puisqu'on retrouve la trace de ces arguments, y compris dans les textes préparés par les services de l'administration coloniale. Je pense notamment à un texte d'Yvan Ry, qui est inspecteur de l'agriculture et qui est chargé de préparer une nouvelle réglementation domaniale. Et on s'aperçoit, en confrontant les points de vue qu'elle a exprimés et les textes qui ont été préparés, qu'il y a une certaine correspondance. Donc, c'est une femme qui mène une carrière d'homme chef d'entreprise et d'homme syndicaliste, on pourrait dire. Et en même temps, cette image va évidemment être donnée à voir différemment dans la littérature coloniale, puisqu'on ne cesse d'insister sur le fait que c'est une exception, que c'est une femme, une petite poupée mignonne venue de France, et que pourtant c'est un soldat qui lance la cognée contre les colosses de la forêt, qui fait s'écrouler par le fer et par le feu des gigantesques rideaux de verdure, tout en restant une femme aux mains douces. On prend soin à chaque fois de le rappeler. Donc, une singularité. Et ce qu'on va mettre en avant, c'est pas tellement son action économique et politique au sens syndical, mais c'est son action sociale et humanitaire. Alors, on pourrait penser que cette insistance rejoint la volonté de placer les femmes européennes dans une catégorie qui est la catégorie de celles qui font les bonnes œuvres, qu'on va retrouver dans le domaine scolaire, sanitaire ou religieux. Alors, il y a de ça, on lui accole une image maternelle très forte, qu'elle assume en partie parce qu'elle adopte plusieurs enfants, et on va mettre en avant le fait que c'est une bonne mère qui va permettre aux coulisses ses enfants de vivre dans des conditions finalement acceptables. Mais j'en finis par le fait que cette image n'a pas seulement une fonction de classer cette femme européenne parmi ses consœurs qui se consacrent aux bonnes œuvres, elle a aussi une fonction politique, car ça permet aux autorités coloniales développer l'image de la bonne protectrice en qui les indigènes aiment la France. Là, je cite le texte de proposition d'attribution de la croix de la Légion d'honneur à Jeanne de la Souchère. Et c'est une manière finalement de constituer un contrepoint, de donner une négation, la plus vivante négation de la légende des coloniaux à la trique. Donc finalement, Jeanne de la Souchère contribue au mythe d'une colonisation bienfaitrice. L'école, la maternité, l'église, le terrain de jeu qu'elle a pu aménager sur sa plantation permettent de mettre en avant la figure d'un colon qui, bien sûr, se fait de l'argent et pour un certain nombre, beaucoup d'argent, mais qui sont là d'abord, finalement, pour civiliser les annamites et faire croire à une collaboration, finalement, franco-annamite. Donc, c'est une figure, et j'en terminerai là, qui permet d'humaniser, par le biais de son appartenance au genre féminin, la colonisation. Et en cela, et je terminerai là-dessus, et c'est un peu un retournement, elle est précurseur et non pas à la suite. C'est-à-dire que, oui, elle a suivi son futur mari en Indochine, elle a suivi d'autres pionniers, mais en même temps, elle annonce une figure qui est la figure du patron aux colonies, et ce sera cette politique qu'elle a mise en œuvre sur son exploitation, avec les limites, hein, je n'ai pas le temps ici de développer, mais ce sera le modèle repris par les hommes, par les colons dans les années 30, donc après Madame de la Souchère. Et je crois que c'est cela aussi qui explique la postérité de cette image d'une femme qui est pourtant une femme exceptionnelle dans le sens rare dans le monde des planteurs.